Les gens en général, quand ils veulent toucher l'astrologie, c'est pour comprendre leur programmation, leur destinée. Mais à un certain moment donné, on aime ça plonger dans la capacité de prévoir l'avenir. Et c'est pas facile parce que c'est quand même un domaine qui relève d'une interprétation qu'on veut généralement exacte, mais qui, quand on parle de transit, on parle surtout d'une ambiance, d'une atmosphère, d'un climat dans lequel les événements vont se placer. Bon, si vous voulez éviter le plus grand piège de l'astrologue, qui est celui de vouloir faire des prédictions plutôt que de faire des prévisions, ben la prédiction, c'est penser qu'on peut avoir une interprétation exacte. Style, tu vas t'acheter une auto verte avec l'intérieur de cuir tan, transmission automatique, lecteur CD, 4 pneus Yokohama. Ça, c'est penser prédiction. Tandis qu'une personne qui ferait de la prévision va dire « Je vous vois changer de véhicule, transformer votre moyen de transport et transformer votre façon de vivre dans ce moyen de transport. » Ça, ça serait de la prévision. Vous allez me dire « Oui, mais j'aime mieux les prédictions, c'est plus précis. » Pour qu'une personne en arrive en astrologie à faire des prédictions par le biais des transits, il faut qu'elle soit carrément médium. Je ne pense pas qu'il y ait des astrologues qui puissent donner du détail sur la forme. Possible qu'ils puissent donner un détail et une précision sur le moment que ça se passe, sur le temps dans lequel les choses peuvent se passer. Mais je pense sérieusement que c'est la limite. On ne peut pas aller plus loin que le fait de prévoir. Et quand on touche la forme, de rester dans des registres qui sont plutôt globaux, qui sont peut-être un peu évasif pour l'intérêt de l'ego, mais qui sont comme une ambiance. Donc, si vous avez un passage jupitérien et que vous dites « Bon, ben là, je vais gagner à la loterie », ça, ça serait de la prédiction. Mais si vous dites, avec votre passage jupitérien sur votre soleil natal, que vous allez avoir une année d'expansion, ça, c'est de la prévision. Donc, vous vous dégagez de la forme et du détail, et vous pouvez en arriver, par conséquent, à avoir une bonne ambiance de définitions qui vont se faire au fur et à mesure que l'année va se dérouler et que vous allez voir où se dirige votre expansion. Ce qui fait qu'à un certain moment donné, avec la compréhension du mouvement de la planète, vous allez savoir exactement dans quelle forme que ça va s'appliquer au fur et à mesure que l'événement se rapproche. C'est en ce sens-là que les gens peuvent, par observation, avec beaucoup d'années d'observation, en arriver avec des éléments de prédiction qui sont assez justes. Si vous avez 30 ans d'expérience, d'observation dans les phénomènes de la prévision astrologique et que vous avez été toujours à l'observation et à l'écoute de comment l'événement se présente à vous, ben, si vous avez un passage, comme j'ai dit, jupitérien qui vient vous avantager pendant un certain temps pour vivre une forme quelconque d'expansion, ben, vous allez voir comment ça se présente, ces formes d'expansion-là, dans quel climat ça se passe, selon le signe, évidemment, dans lequel Jupiter passe, et selon la nature et la combinaison de vos planètes dans votre propre carte du ciel. Et à force de voir ces éléments-là dans plusieurs cartes, là, parce qu'il faut vraiment sortir des cartes de la famille, puis des amis, puis ces choses-là, il faut aller plus loin. Si vous restez dans un registre de compréhension qui est personnel, dans le sens de votre famille, puis vos cartes amicales, c'est au niveau de la prévision que vous allez être le plus confortable. Si on aborde maintenant le transit à proprement parler, ben on regarde le fait que le transit a deux niveaux de puissance. Il a le niveau de puissance maximale dans une réminiscence. Une réminiscence étant que la planète, exemple, vous avez un Jupiter natal en Capricorne et Jupiter revient après 12 ans dans le signe du Capricorne et fait une conjonction sur votre Jupiter natal. On dira à ce moment-là que par le fait du retour jupitérien à sa position originale de votre carte du ciel, il est en réminiscence. À ce moment-là, cette période de temps-là où votre Jupiter natal a défini une programmation, une destinée qui, selon la maison, selon les aspects qu'il a avec les autres planètes, définit une certaine caractéristique de votre développement. Mais quand Jupiter, le transit de Jupiter, c'est-à-dire le passage qui revient de Jupiter au signe du Capricorne, se passe exactement sur la pointe de votre Jupiter natal, on dira que le Jupiter est revenu à sa position originale et déclenche les événements qui, dans votre destinée, sont marqués comme étant à vivre selon cette position-là. Évidemment, ça va toujours être en fonction des autres planètes, mais à ce moment-là, les avantages ou désavantages que Jupiter peut vous créer par le fait qu'il est exemple dans ce cas-ci en Capricorne, pour l'exemple, ben, quand le passage va venir, ça va amplifier à son maximum la situation de cette position jupitérienne-là. C'est donc vrai que les mouvements planétaires, à chaque fois qu'ils se représentent dans leur position originale, vont déclencher le maximum de ce que la planète peut donner. Exemple, vous avez un soleil qui, quand on dit exemple, je suis poisson, je suis taureau, je suis capricorne, je suis verseau, ben ça c'est la position du soleil dans le signe du capricorne, du verseau, du bélier. Bon, c'est évident que le jour de votre fête, c'est la position en transit du soleil sur sa position initiale. Donc, vous êtes né le 15 mars, ben le soleil le 15 mars, la journée du 15 mars à tous les ans, va faire une réminiscence de sa position natale et va faire un transit de conjonction avec sa position natale et va avoir l'influence maximum que le soleil peut avoir dans votre carte à ce moment-là. Ça, c'est la base des transits, comprendre ça. C'est vrai pour Mercure, Mars, la Lune à tous les 28 jours. C'est vrai pour... Il y a juste quelques planètes que vous pourrez jamais voir le tour du zodiaque, c'est Uranus, Neptune, Pluton, parce que c'est des planètes qui prennent au-dessus de 100 ans presque à faire le tour. T'sais, fait que si vous avez Uranus en Cancer ou en Lion ou en Gémeaux, probablement que vous verrez jamais la fin de son circuit. Vous allez le voir en carré, vous allez le voir en trigone, vous allez le voir en opposition, mais revenir à sa conjonction initiale, ça c'est impossible. Mais il faut quand même considérer que les positions d'Uranus, Neptune et Pluton en sextile, en trigone et en carré en opposition ont autant d'impact que la conjonction. Parce que comme j'ai expliqué dans le CD sur les aspects, c'est pas strictement la conjonction qui a le plus d'impact. Il y a aussi, comme je l'ai mentionné, les carrés et les oppositions, les sextiles et les trigones. Bon, donc, si on parle de réminiscence, donc de position qui revient à sa phase originale, on parle de l'aspect maximum. J'ai aussi dit qu'il y avait des passages en transit qui avaient une influence sur notre vie, mais qui avaient une influence secondaire. Quels sont-ils? Vous avez dans votre carte, exemple, un Mercure qui est seul, qui n'a pas d'aspect avec aucune autre planète. Et Mercure passe en trigone avec votre Mercure natal ou fait un aspect avec votre Mercure natal encore et en opposition. Ça va déranger votre carte à un certain moment donné, mais ça ne dérangera jamais comme si dans votre carte du ciel, vous aviez un carré avec, exemple, Neptune et que le transit de Mercure allait faire un carré avec votre Mercure natal en passant sur Neptune. Ça, c'est les deux zones d'influence qu'une personne doit figurer. En d'autres termes, vous ne pouvez pas penser avoir des catastrophes qui vont arriver dans votre vie si ce n'est pas marqué dans votre plan de vie. Vous pouvez avoir des dérangements, mais pour vous, ça va être secondaire comme effet, et pour un autre, ça va être fatal parce que lui, dans sa carte, ce qui pour vous est un transit léger, pour l'autre, à cause de sa carte, ça va être un transit lourd. Lourd dans le sens qu'il va avoir beaucoup d'impact. Et les transits qui ont beaucoup d'impact, ce sont toujours les transits qui ont un effet qui fait réveiller ce qui existe déjà dans la carte. Fait que vous avez Mercure, carré Neptune. Vous avez en transit Mercure qui vient éveiller Neptune à un moment donné dans l'année, parce que Mercure fait le tour du zodiaque dans un an. Et il va aller passer sur le Neptune natal. Il va donc conséquemment être en carré avec sa position aussi mercurienne natale. Et cette quadrature Mercure-Mercure et le Mercure en transit conjoint à Neptune va faire une réminiscence, va réveiller une dimension qui est dans la carte et qui va créer l'effet de la quadrature Mercure-Neptune, qui dans un cas comme celui-ci est généralement de la confusion. Mais une confusion majeure, là, style une insécurité, une angoisse existentielle qui au niveau de l'âme généralement est très très inconfortable. Ça dure en général 2-3 jours dans le cas de Mercure et ça dure des années quand c'est Neptune qui passe. Fait qu'une quadrature de Neptune en transit, c'est beaucoup plus long qu'un transit mercurien qui dure environ 2-3 jours pour créer l'impact. Il y a l'importance de la planète qui passe en transit et quand on parle de Soleil, Lune, Mercure, on parle de planètes qui ne restent pas longtemps en transit à la même place. Le Soleil bouge d'un degré par jour, la Lune bouge de 2 degrés par jour. Mercure, c'est un petit peu plus lent, mais on peut, s'il n'est pas trop rétrograde, à un moment donné, on peut considérer que son passage est à peu près d'un demi-degré par jour. Fait qu'en général, au bout d'une semaine, son effet de transit est passé. D'ailleurs, Mercure et Mars, qui sont des planètes quand même assez rapides, en comparaison évidemment avec Saturne et Jupiter, et encore plus avec Uranus, Neptune, Pluton, c'est des planètes qui, quand on fait de la bourse, sont les transmetteurs. On regarde souvent dans l'étude des marchés ou l'étude des influences des populations ou les mouvements comme la guerre ou les mouvements majeurs dans une économie ou dans une structure sociale, qu'est-ce qui peut être un événement déclencheur. Il faut des aspects planétaires avec 2 grosses planètes et un déclencheur comme Mercure et Mars et quelquefois Vénus, parce qu'il y a des événements déclencheurs qui sont négatifs. Négatif dans le sens que Mars est très incisif, mais on a aussi des influences qui sont positives que généralement Vénus vient déclencher. Vénus, c'est un élément adoucissant, donc il y a aussi des événements positifs qui peuvent être déclenchés. Je pense exemple au spectacle des Rolling Stones à Toronto pour corriger l'économie de Toronto. C'est pas déclenché par Mars, c'est déclenché par Vénus puis ou par Mercure si c'est quelque chose qui est plus neutre, mettons. Parce que l'effet de Mercure en transit, c'est neutre, mais c'est un déclencheur puissant, dépendant de la nature des planètes qui sont en aspect à ce moment-là. Mercure a l'avantage d'être extrêmement neutre. Ça déclenche, mais ça ne positionne pas positif ou négatif. Tandis qu'avec Mars, c'est toujours inflammatoire et généralement négatif. Donc, ça implique une guerre, un combat, un conflit, une inflammation quelconque. Quand on est avec Vénus, ben on a un effet adoucissant, donc un effet qui peut être lié à la culture, lié à la politique, ça peut être des choses qui se passent à l'échelle internationale, comme exemple Greenpeace, tu sais, qui va intervenir pour contre la pollution, des choses du genre. Donc, si vous avez des événements comme des réunions du G8 qui vont parler de mondialisation, puis vous voulez connaître l'ampleur des crises qu'il va y avoir dans la rue, ben, vous avez à surveiller justement ces transits de Mars et de Mercure avec des grosses planètes. S'il n'y en a pas, ben, ça va être léger. La problématique va être légère. Mais s'il y a des grosses planètes comme il y avait en 2002 et une partie de 2003 où Saturne était carrément en opposition avec Pluton, en transit évidemment, en mouvement de passage, là, et qu'on aurait eu un effet de Lune en Sagittaire qui aurait été joué avec Pluton ou Mercure en Sagittaire qui aurait joué avec Pluton, ben là, c'est là que la guerre commence. T'sais, si vous regardez la guerre quand elle a commencé, ça a été joué dans le temps du Sagittaire, donc dans toutes les zones où Mercure et Mars pouvaient déclencher cette fameuse guerre, déclencher le baril de poudre qu'il y avait comme conflit potentiel avec l'effet de l'opposition de Saturne à Pluton. Puis vous remarquerez que quand c'est arrivé au mois de juin, où Saturne est sorti du Gémeaux et est rentré dans le Cancer, donc ne faisait plus d'opposition avec Pluton, ben, il y avait un décrescendo, c'est-à-dire il y avait une baisse des mouvements guerriers vis-à-vis de l'Irak. Le problème était, à cause de Saturne en Cancer, il était ramené au pays. Là, c'était plus le président des États-Unis qui était affecté dans son propre pays et c'était l'effet Cancer là, qui commençait à rentrer en impact plutôt que le fameux jeu d'opposition Gémeaux-Sagittaire qu'il y avait au cours de 2002 et début 2003. Je vous donne ça à titre d'exemple parce que le monde des transits, c'est un monde précis, mais complexe. C'est précis parce que ça donne des dates exactes, ça donne des périodes exactes, Mais c'est complexe parce que l'amplitude que les gens donnent au transit est toujours en fonction un petit peu de leur subjectivité. Quand vous faites une analyse des transits, je recommande aux gens de toujours essayer de comprendre le mal, de comprendre le combat ou le conflit qui est annoncé par le transit. Parce que généralement, les gens vont regarder des transits qui sont négatifs parce qu'en général, ils ont peur de vivre certaines choses et c'est ce qu'ils vont vérifier en premier. S'ils cherchent des promotions ou des avantages sociaux, des avantages de vie, ben ces avantages-là, ils vont les regarder à travers les trigones et les sextiles et certaines conjonctions qui sont favorables. Donc, ils vont regarder les transits comme exemple une conjonction jupitérienne, un trigone ou un sextile jupitérien sur leur soleil ou sur leur Jupiter même natal. Ils vont dire, bon ben là, je vais passer une période plus relaxante, plus facile. Mais plus facile, ça change pas votre vie. C'est plus facile dans votre vie, mais c'est pas un bouleversement dans votre vie. C'est votre vie qui change selon ce que vous contenez du changement. Puis ça, c'est tout là que quand on parle à quelqu'un, que on peut mesurer la capacité qu'il a de vivre son changement. C'est sûr, quand vous arrivez avec des planètes comme Uranus qui fracturent, un impact et peut être extrêmement violent au niveau de la forme. En d'autres termes, tout le monde peut vivre un très gros choc, mais tout le monde peut ne pas penser de la même façon le fameux choc en question. Il y a, selon les structures de la carte initiale, à toujours regarder qu'un transit pour une personne, ça peut faire plus de dégâts que pour l'autre à côté qui est capable d'encaisser le mouvement. Un lion peut encaisser un transit plutonien beaucoup plus facilement qu'un cancer ou un poisson. Vous allez me dire, pourquoi? Ben, c'est un signe positif de feu, donc qui est proactif. L'effet de Pluton, c'est ravageur. Si vous tombez en signe négatif, ben c'est sûr, comme dans le temps que Pluton est en scorpion, ben l'effet sur les signes d'eau était beaucoup plus violent à ce moment-là parce que ça minait par l'intérieur. Et les gens qui sont marqués par les signes d'eau, c'est les signes d'eau et les signes de terre, donc les signes négatifs, ne sont pas des êtres qui s'expriment dans la douleur. C'est des êtres qui ont tendance à laisser passer le mal. Tandis que les signes d'air et de feu, dans un processus de choc, ont tendance à s'exprimer sur le mal. Donc, à être beaucoup plus extraverti. Donc, à agir et à vouloir faire la guerre au mal. Bon, vous allez me dire, c'est pas nécessairement la bonne façon. Mais ça, le point, c'est pas dans la façon, c'est dans le fait qu'il y a une destinée qui pousse les gens à faire les choses d'une certaine façon. Et les signes de feu et les signes d'air sont proactifs et ne sont pas des gens à être capables d'enterrer un mal. Ils vont le crier, ils vont le gueuler, ils vont déranger tout le monde. Tandis que les signes d'eau et les signes de terre, ils tombent dans une sorte de silence et dans une sorte d'introspection, d'introversion pour essayer de faire passer le mal. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Mais quand vous voyez un transit passer, comme là, Saturne présentement en 2003 est en cancer, c'est sûr que l'effet saturnien va avoir un effet introverti. Il ne créera pas d'effet extraverti comme l'effet de Saturne en Gémeaux. Saturne en Gémeaux, ça poussait le domaine de la communication à se raffiner, à se préciser, puis à se sécuriser, puis à se condenser. Avec ça, on pouvait le parler, on pouvait le voir, on pouvait étudier quelque chose. Avec Saturne en Cancer, c'est des ambiances. C'est comme la personne n'est pas capable de le dire, mais elle le sent. Elle a des comportements, elle fait des actes, elle pose des actes, elle fait des actions qui ont une nature subversive et insidieuse. Donc, le transit passe, exemple, Saturne en conjonction, mettons, avec un soleil natal en Gémeaux, il va être évidemment restrictif, mais ça ne bloquera pas une communication au point de s'éteindre. Ça tombe en signe de terre et en signe d'eau, et là, ça peut emmener l'individu à carrément s'isoler à un point tel que c'est difficile de rentrer en contact avec. Parce que là, il tombe dans des signes négatifs qui sont des signes d'introversion, d'absorption, plutôt que des signes d'output, de projection. C'est donc très important, quand vous faites l'interprétation d'un transit, de pas penser que Saturne a le même effet dans tous les signes ou que Jupiter a le même effet dans tous les signes. Un Jupiter qui généralement donne une forme quelconque d'expansion, quand c'est dans les signes positifs, ben, ça a tendance à donner un résultat qui est très apparent extérieurement. Quand le Jupiter va passer en transit dans des signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, taureau, vierge et capricorne, les c'est beaucoup plus réservé, c'est beaucoup plus caché, c'est beaucoup moins apparent publiquement. Mais les changements sont aussi profonds tenant compte de la conjonction ou du trigone ou du sextile. Mais dans l'expression, dans la forme, si vous tombez dans la prédiction et vous faites des prédictions qui sont pareilles à tout le monde, vous allez vous tromper à 50% du temps parce qu'au niveau de la forme, ça va être vérifiable avec les signes positifs, mais ça sera non vérifiable avec les signes négatifs. D'autant plus que les gens qui sont marqués par le signe négatif ne sont pas portés à confirmer votre affirmation. Ils sont plutôt portés à vérifier votre affirmation. Tandis que le signe actif, positif, va le confirmer dans une abstraction. Il va percevoir la possibilité, il va dire « oui, c'est ça ». Tandis que le signe de terre et le signe d'eau va lui attendre qu'il y ait une manifestation du processus dans forme, dans le concret, avant de confirmer la situation. Donc, c'est sûr que le transit que vous allez expliquer ou vous expliquer à vous dans les signes négatifs, c'est très, très, très lié au rapprochement de l'événement pour en sentir vraiment les effets. Alors qu'en général, quand on est en signe positif, ça fait partie des projets. Ça fait partie de qu'est-ce qu'on envisage de vivre ou de faire et qu'on est capable de mettre sur papier, de dire dans 6 mois, je vais faire ça. Puis ça devient une réalité ipso facto parce que c'est perçu comme un élément de motivation. Tandis que pour les signes d'eau et signes de terre, la motivation vient par l'ambiance, vient par la situation de l'événement qui se crée au moment où ça se passe. Donc, vous voyez que les interprétations qu'on se fait dans les transits varient selon ces deux natures-là. Est-ce que vous êtes dominé dans votre plan de vie par des planètes en signe négatif ou par des planètes en signe positif? Il faut faire le calcul de ça. Si vous avez, exemple, 6 planètes sur 10 en signe négatif, ben c'est des grosses chances que les transits qui passent dans votre ciel natal vous amènent à un travail de développement personnel et de réflexion interne que très peu de gens dans la société vont être au courant. Si vous avez au contraire beaucoup de planètes en signe positif, ben tout votre développement va se faire sur le terrain avec vos amis, avec votre famille, avec votre partenaire, vos enfants, mais ça va être manifesté très clairement à l'extérieur. Et les gens vont pouvoir le suivre comme un roman feuilleton en télévision. Donc ça, c'est un élément qui est important à comprendre parce que beaucoup de gens ont de la difficulté à interpréter justement les transits parce qu'ils donnent au transit une importance qui est au-delà de la nature des signes. Un signe a toujours priorité dans le fait de l'événement sur la planète qui est en transit. L'autre point qui est important aussi à comprendre, c'est que tous les transits n'ont pas le même impact avec la même puissance à tous les moments de la vie. Exemple, Jupiter passe sur sa position natale à tous les 12 ans. Donc, une expansion pour un jeune à 12 ans, c'est pas le même genre d'expansion pour une personne adulte à 36 ans. OK? On s'entend sur ce point-là. En général, la personne à 36 ans est pas mal dans le sommet de son expérience. Elle a goûté à beaucoup d'expériences. Donc, de l'expansion, un mouvement d'expansion pour un mouvement jupitérien qui se fait à tous les 12 ans. Le premier 12 ans, c'est une occasion de prendre des nouvelles expériences. À 24 ans, c'est encore vrai, avec une possibilité d'intégrer ce qu'il y a de vécu dans le passé. Et à 36 ans, c'est une occasion extraordinaire de mettre vraiment en relief une capacité qu'on a au niveau d'un talent, d'une performance quelconque. Et si on rajoute un autre 12, on tombe à 48 ans. 4 fois 12, 48. Ben là, à 48 ans, on est supposé être rendu au sommet. On pense pas nécessairement à la retraite, mais on est dans son dernier corps, le dernier transit jupitérien avant de se retirer de l'expérience sociale. Là, c'est sûr qu'on tombe à partir à 60 ans. 5 fois 12, 60. Et à 60, on commence à avoir ce qu'on pourrait appeler l'étiquette du sage. Donc, l'étiquette de la personne qui a accédé à la maturité, donc qui, dans cette maturité-là, devient un élément conseil pour son environnement. Vous remarquerez que à chaque phase de transit, comme exemple Jupiter à tous les 12 ans, ben il y a un impact ou il y a une importance qui est en fonction un peu de l'âge de la planète. Jupiter, on la raccorde à la trentaine. Saturne, on la raccorde à la quarantaine. Et Mercure, à l'adolescence. Donc, des transits mercurien dans une période d'étude comme l'adolescence, ça a beaucoup d'impact. Je ne dis pas que ça n'a pas à 40 ans, mais ça a beaucoup plus d'impact parce qu'on est dans les premiers éveils dans les premières zones d'éveil de notre psychologie, puis de notre talent pour apprendre des langues, pour apprendre des méthodes, apprendre une technique quelconque. Après ça, dans la quarantaine, les transits mercuriens vont repasser, mais vont rafraîchir plutôt que de donner un mouvement d'initiative. Bien qu'il y a des gens qui vont dire « j'ai commencé à apprendre la peinture, j'avais 82 ans ». C'est vrai, ça va être encore un effet mercurien. Mais il faut déjà que, d'une façon natale, il y ait un talent pour ce département-là, pour ce département de talent de la peinture. Si ça peut être réveillé sur le tard, souvent il y a des planètes en Capricorne qui vont marquer ça, il y a des planètes en maison 4 qui représentent la fin de vie, qui vont annoncer ce réveil-là. C'est déjà dans la 4. Mais les effets de Mercure qui sont liés à l'adolescence ont plus de punch, ont plus d'impact, de possibilité de perturber quelque chose quand ils sont dans leur âge. Donc, je vous rappelle, Mercure, l'adolescence, la Lune, l'enfance et la vieillesse, Jupiter, la trentaine jusqu'à 40, disons, et Saturne, la quarantaine et plus. Les autres planètes comme Uranus, Neptune, Pluton, c'est des planètes qui ont plus un lien avec les enjeux sociaux, les rapports avec la société. Évidemment, le transit ou l'explication des transits, c'est le cœur de l'astrologie. Tous les astrologues qui vous font des prévisions, qui font une analyse de votre avenir ou du potentiel de type d'événement particulier sur votre destin doivent avoir une excellente compréhension des transits. Et sont rares les gens qui sont capables de garder une procédure d'interprétation dans le monde du transit. Parce que ils sont confrontés évidemment à la carte du ciel du moment. Fait que vous êtes à une date X en 2004, 2005, 2010, et vous avez ce qu'on appelle un ciel à ce moment-là, le ciel du moment, qui lui dicte des trigones, des oppositions, des conjonctions entre les planètes en cours. Et vous avez également les planètes du thème natal. Évidemment, ça en fait beaucoup parce que déjà à 10 planètes avec les aspects entre eux autres, ça fait déjà pas mal de spaghettis à résoudre. Quand vous rajoutez les 10 autres planètes du moment qui viennent comme interférer dans l'interprétation indirectement en apportant leur sauce particulière, ben ça crée une sensation de confusion pour bien des gens. Bon, moi, disons que je vais essayer de vous expliquer une procédure à suivre pour être capable de voir ça simple, de regarder cette dimension astrologique d'une façon à ne pas sentir cette fameuse confusion entre les, finalement, 20 planètes et l'interaction de ces 20 planètes-là entre eux. Quand on parle de transit, les transits qui sont dans une année les plus importants ou qui ont le plus de possibilités d'agir sur la carte, donc sur votre vie ou sur la vie des gens pour qui vous faites une interprétation, sont les transits qui sont les plus sujets ou qui se rapprochent le plus à des réminiscences dans votre carte du ciel. Et j'appliquerai jamais assez à faire comprendre aux gens que seules les réminiscences ont vraiment un effet, je dirais, de réveil de la programmation d'une personne. Que les autres transits, même s'ils apparaissent horrifiants dans certains cas ou exceptionnellement favorable dans d'autres, si ce ne sont pas des réminiscences, ça devient une toile de fond, une ambiance, mais c'est pas la peinture principale, c'est pas la toile qui claque l'œil, là, qui donne un effet, un impact à la perception de la situation ou de l'événement. L'autre phénomène aussi, c'est que une réminiscence, quand elle se produit, elle ne crée pas nécessairement un événement percutant dans votre vie. Vous pouvez très bien avoir un effet de réminiscence dans votre carte, c'est-à-dire un mouvement de planète qui se répète astrologiquement dans le ciel du moment versus votre ciel natal. Parce que là, j'établis qu'il y a votre ciel natal avec les aspects entre les planètes et qu'il y a en transit les aspects du moment, au moment où ça se passe. Et que, donc, quand on est dans l'interprétation du ciel du moment, c'est les éléments qui réveillent dans la carte du ciel qui ont le plus d'impact. Pourquoi? Parce que c'est déjà dans votre carte et ça vient comme activer, déclencher quelque chose qui est là en potentiel. Et c'est sûr que ce qui est l'élément potentiel, lorsqu'il est déclenché, bien, on pourrait dire que ça fait plusieurs années que ça attend de passer à l'acte. Et c'est là que vous devez comprendre que ce déclenchement-là, c'est comme l'obligation de faire face à un aspect de notre destinée. Et quand la réminiscence s'active, des fois, c'est pas simplement un événement qui déclenche ça, mais c'est toute une ambiance psychologique. C'est toute une façon de penser qu'on a de la vie qui fait que les événements vont se coller à notre état mental. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit astrologiquement que on leur prédisait qu'à telle date, il était pour se passer telle chose, parce que là, on avait vu justement une réminiscence dans la cape. Et on disait, ben oui, mais il s'est rien passé. Ça a été un an plus tard. Oui, mais c'est que pendant l'année, avant que les événements soient déclenchés, mettons, on va parler d'une séparation ou d'un divorce, c'est que tu te lèves pas le matin, là, bon, le transit vient de passer, puis là, tu annonces à ton mari ou à ta femme que tu te divorces. Non. C'est quelque chose, c'est un climat qui se construit, ni plus ni moins, par des ambiances, des climats, des ambiances psychologiques, des ambiances financières, des ambiances sociales. Et toutes ces ambiances-là cumulées font éventuellement une sorte d'interférence majeure qui enclenche un événement. Mais la réminiscence ayant passé, c'est l'état mental de la personne qui commence à changer. Et une réminiscence, fondamentalement, il faut la regarder comme un élément d'élimination d'un blocage ou d'une censure ou d'une restriction qui est marquée dans votre carte depuis l'enfance. Et je dis bien depuis votre enfance à la naissance. C'est quand on parle de programmation, là, c'est pas la faute aux parents, là. C'est une destinée qu'on s'est choisie avant de naître. C'est aussi simple que ça. Fait qu'on s'est choisi des parents, puis on s'est choisi un mode de vie, puis on s'est choisi beaucoup de choses. Donc, les êtres qui nous ont créés, en apparence des blocages, ils étaient là pour nous bloquer, pour qu'on dépasse ce blocage-là, parce que c'était déjà marqué dans notre programmation. Ça, faut bien comprendre que personne, sa planète, qui est vraiment responsable de notre programmation. Ce sont simplement des acteurs qui sont placés dans notre vie. Par contre, quand on vit un blocage dans une étape X de notre vie, ben, on subit dans un temps. Et souvent, il y a un autre transit qui passe plusieurs années plus tard pour nous donner l'occasion de débloquer la censure, de débloquer la prison dans laquelle on est placé psychologiquement. Ça peut être une personne, ça peut être un événement, ça peut être une nouvelle façon de penser, ça peut être une petite phrase qu'on lit dans des livres et qui change notre vie. Et tout ça, c'est marqué par des transits qui viennent se placer là en réminiscence. Là, vous allez me dire, est-ce que je dois surveiller que ça? Si vous êtes à vos débuts en astrologie, si vous n'avez pas une expérience très, très, disons, pratique de l'astrologie, à part d'étudier votre carte du ciel et ceux de votre famille ou de vos amis, vous êtes mieux de vous en tenir à strictement aller chercher dans toute votre destinée, sur 40 ans à venir, les réminiscences. Puis vous allez avoir une vision juste et ajustée de votre programmation. Moi, je dis souvent aux gens, regardez les peurs que vous avez, et c'est dans les peurs que vous avez, donc dans les blocages, donc dans les prisons psychologiques ou les limitations psychologiques que vous avez votre destinée. Parce que dans votre destin, la fonction même de la vie sur la planète à travers l'astrologie, donc les mouvements de l'âme, c'est justement de dépasser une peur, de dépasser une angoisse existentielle, de ne pas se sentir restreint d'aucune façon par les tensions psychologiques. Bon, vous allez me dire, c'est juste ça la vie, c'est beaucoup, parce que se dégager d'une peur, c'est quand même pas donné à tout le monde. L'évolution émotive d'un être et l'évolution mentale d'un être, c'est toujours à travers le dépassement. Un dépassement qui va plus loin que simplement le fait d'avoir développé un talent ou quoi que ce soit du genre. En arrière de tout talent, il y a un dépassement qui va au niveau de crainte, au niveau d'insécurité, au niveau de peur. Et l'être qui s'affranchit de ses peurs, ben, le fait à travers des réminiscences, des transits qui se replacent ou se repositionnent à un moment donné dans leur vie pour offrir une clé. La réminiscence est positive, la clé va être facile à rentrer dans la serrure. La réminiscence est négative, vous avez toujours une clé, mais ça va vous demander des mots de passe, ça va vous demander de traverser certaines restrictions, de répondre à une certaine saga intellectuelle. Il va falloir que vous vous affranchissiez par l'effort, alors que dans les trigones ou dans certaines conjonctions, le chemin est facile, c'est indiqué par quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous accompagne, vous n'êtes pas seul. Dans la quadrature, souvent, on vous impose une certaine solitude, on vous impose une restriction dans l'échange pour que vous soyez seul, obligé de faire face à la musique. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, peu importe le niveau de réminiscence, il y a quand même une clé. Il y a une clé, qu'elle soit facile à mettre dans la serrure ou difficile pour toutes sortes de raisons, parce qu'elle a un code de sécurité, ça demande quand même de regarder ça comme une clé. Donc, toutes les réminiscences, surtout celles qui apparaissent avec Uranus, Neptune, Pluton, parce que là, on s'attaque vraiment à du gros matériel au niveau social, au niveau rapport humain, au niveau mentalité collective, au niveau culture sociale, culture morale, culture religieuse dans certains cas, ben c'est sûr que quand on est confronté à ces quadratures ou à ces conjonctions ou à ces trigones ou ces aspects-là, l'individu est profondément, je dirais, obligé de se développer d'une façon relationnelle avec son environnement. Tandis que quand vous touchez des aspects avec Saturne, Jupiter, Mercure, Mars ou des planètes qui sont plus à caractère personnel ou privé, ben c'est plus avec vous-même, avec vos pensées. Vous pouvez régler ça dans votre chambre avant de vous endormir. C'est la mentalité, j'entends. Et c'est plutôt des problèmes d'ordre quotidien. Ça peut avoir une dramatique pour certains qui ont de la valeur, qui ont de l'impact, qui ont leur source d'ennui, disons, qui est valable. Mais comme on dit, pleurer sur son existence parce qu'on n'a pas pu s'acheter un chandail Coco Chanel, ben disons que dans mes livres à moi, là, c'est plus ou moins grave. Mais quelqu'un qui est pris avec une maladie, disons, à caractère chronique, puis qui doit se débattre pendant 4-5 ans pour se dégager de ça, ben là, pour moi, ça me, disons, un petit peu plus de poids. Je veux pas juger, mais en tout cas, dans mes livres à moi, ça a plus de poids, ce genre de tension-là, que les tensions à caractère, disons, on va dire, quotidienne et peut-être un peu plus fluide en ce qui concerne les tensions morales. Donc, évidemment, des réminiscences mercuriennes, vous allez en avoir beaucoup. Des réminiscences lunaires, vous allez en avoir au moins 3-4 par mois, minimum. Des réminiscences solaires, vous allez en avoir encore plusieurs. Fait que c'est toutes des planètes qui n'offrent pas des grosses zones de tension. Ils vont quand même créer des effets, mais c'est un peu comme quand je dis aux gens, un mois avant notre fête, on a toutes les poubelles de l'année qu'on vient de passer, qui réapparaissent pendant ce mois-là. Et on est souvent obligé de confronter tout ce qu'on n'a pas réglé dans l'année ou qui souvent vont être repositionnés pour l'année suivante. Que les gens qui ont, dans ma vie, en tout cas sociale, ont pu remarquer que le mois avant leur fête, c'était un petit peu plus aigu que la moyenne des autres mois de l'année. Ben, ils vont dire, ah, ben non, ça c'est vrai, là, c'est un mois avant ma fête. Fait qu'on dirait que tous les gros événements majeurs là, qui ont été laissés traîner, je suis obligé de les régler. Ça, j'appelle ça des problèmes quotidiens. Fait que c'est des réminiscences à tous les ans. Là, c'est comme si le soleil était dans la maison au 12 de sa position solaire. On est un peu comme en prison pour régler des vieux dossiers. On est obligé d'y faire face. Bon, quand les gens sont habitués à comprendre ça, ben un mois avant leur fête, ils vont regarder les transits, ils vont même bâtir des révolutions lunaires de ce mois-là pour savoir quel genre d'interférences qu'ils peuvent rencontrer dans le mois. Et souvent, c'est des choses qui sont pas peut-être banales pour la personne, mais qui sont banales en soi parce qu'ils n'ont pas nécessairement un effet ou des conséquences sur une base de 15-20 ans. Et là, à ce moment-là, ben, les gens sont préparés psychologiquement et sentent moins le fardeau ou la restriction ou la limitation dans laquelle ils sont placés. Par contre, si vous faites des révolutions solaires plutôt que des révolutions lunaires, là, vous allez me dire, c'est quoi une révolution lunaire? C'est quoi une révolution solaire? Une révolution lunaire, c'est la position de la Lune, de votre Lune natale, qui se reproduit à tous les mois. Bon, je vous donne un exemple. Vous avez une Lune en taureau à 4 degrés. À chaque fois que la Lune passe à 4 degrés du taureau, vous pouvez avec le degré exact, vous pouvez calculer la position du mois, du 28 jours en cours, calculer la position des planètes-là et définir un peu le type d'événement qui va se placer là-dedans. Ça, évidemment, il faut avoir une très forte expérience de l'astrologie pour pouvoir faire des interprétations objectives et ne pas prendre un mois pour une vie. Parce que, connaissant les gens, j'ai pu remarquer que les gens avaient tendance très forte à la dramatique et ils faisaient une analyse de l'évolution lunaire comme si c'était la vie de la personne. Ça, c'est un petit peu poussé, c'est un peu exagéré. L'évolution solaire, c'est un an, c'est déjà un petit peu plus long, puis c'est le même principe. Votre soleil natal, s'il est à 12,42 degrés du poisson, bien à chaque fois que le soleil repasse à 12,42 degrés du poisson, là, il faut avoir un ordinateur en général pour calculer ça. Bien, vous pouvez calculer la position des maisons, la position on appelle ça la carte de l'année. Et les gens avec une révolution solaire peuvent arriver à avoir une bonne définition de ce qui va se passer dans l'année. Tout bon astrologue, une bonne personne capable d'interpréter d'une façon synthétique est capable de vous donner le climat de l'année dans lequel vous allez vivre ça et vous dire même qu'est-ce que vous allez régler au cours de l'année, qu'est-ce que vous allez avoir à ajuster émotionnellement, psychologiquement dans vos relations humaines, vous dire les changements d'emploi, les changements de choses importantes comme l'automobile, l'habitation, les changements dans vos rapports humains, tout ça, c'est tout indiqué et c'est relativement simple. Si vous prenez des logiciels comme Andromède 3000, ça le calcule pour vous. Vous avez absolument rien à faire. Ça prend votre date de naissance avec votre heure, puis ça vous calcule exactement votre évolution solaire ou lunaire de la date que vous lui demandez. Bon, évidemment, c'est, comme je vous dis, très complexe pour quelqu'un qui est néophyte, mais c'est quand même relativement simple quand on maîtrise assez bien l'astrologie. Et ça serait quoi, ça, maîtriser l'astrologie? Là, je vous ai parlé de réminiscence, mais on en vient quand même à se dire, bon, ben, moi, je vais être capable de comprendre comment lire un thème. Bon, les réminiscences, j'ai mis beaucoup d'applications là-dessus. L'autre aspect qui est important, c'est toujours comprendre que dans un transit, il faut regarder principalement la planète. C'est la planète qui passe, qui a autorité sur l'interprétation. Ça veut dire quoi, ça, en français? Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre le signe où la planète est et donner un facteur primaire à ça. Le signe, c'est l'élément secondaire. Je vous donne un exemple. Vous avez Jupiter en poisson. Jupiter, c'est un processus de synthèse, c'est un processus d'expansion. Les gens l'associent souvent à la chance. Et quand on l'associe au signe du poisson, ben, on l'associe au monde de l'impression, au monde des ambiances, au climat psychologique et émotif qui permettent à un individu de donner de la finition à leur vie, qui leur permettent d'aller au bout de quelque chose qui les magnétise, qui les impressionne comme si c'était juste un rêve. Dès qu'une personne vit quelque chose d'inaccessible, elle vit ça sous le signe du poisson. Donc, si la personne met trop l'accent sous le signe du poisson, elle va dire cette année, vous allez vivre des grandes impressions, puis papapapapa, elle peut oublier l'effet jupitérien. Vous devez toujours interpréter Jupiter pour Jupiter, avec la sauce du signe. C'est le steak qui est la planète, ou c'est la planète qui est le steak, si vous aimez mieux, et c'est le signe qui est la sauce. La sauce n'a jamais prépondérance sur le steak en soi. Mais les deux ensemble, ça fait un bon pont. C'est donc dire ici que si vous avez une planète avec le signe, la planète doit être le premier facteur d'interprétation et le signe doit être la façon que la coloration va se faire. Après ça, vous avez évidemment l'aspect qui est fait avec l'autre planète, avec toujours le même principe. Jupiter, exemple, trigone Mars, ça favorise une participation, une action en expansion. Et à ce moment-là, là, vous ajoutez dans le trigone en question l'effet poisson de Jupiter, qui est d'exemple créer de l'impression. Et si vous avez un Mars qui est en scorpion, ben on va dire vous allez dépasser le drame en passant à travers une impression. Vous allez, à cause de Mars en scorpion, vivre une dramatique. Et avec l'effet de Jupiter, vous allez vivre une expansion. Et en poisson, vous allez vous dégager d'une grande impression qui va probablement dégager la dramatique que vous êtes habitué de vivre dans ce cas-ci. Ça, je vous donne un exemple d'interprétation. Il y en a évidemment des centaines et des centaines. Mais il faut toujours comprendre que, dans un premier temps, on analyse les deux planètes en effet. Après ça, la nature de l'aspect Et ensuite, évidemment, le signe qui va créer l'ambiance dans laquelle on est. Et après, ça c'est très, très, très après, vous dites la maison dans laquelle ça se passe, ça va être le contexte dans lequel ça se passe. Fait que si vous avez, exemple, ce Jupiter-là en maison 9, il y a des bonnes chances que ça soit des études ou un grand voyage important. C'est le voyage d'un mois, deux mois, trois mois. Et le Mars, lui, qui, évidemment, s'il est en trigone, ça va tomber en soi en maison 5 ou en maison 1, l'ascendant. Donc, mettons qu'on le met en maison 5, puis on va dire, bon, ben, pour des raisons de créativité, pour des raisons d'enseignement et de développement, vous allez être obligé de faire un voyage qui va vous permettre de dépasser une grande impression, une sorte d'impossibilité avec l'effet jupitérien. À cause de Mars qui est en maison 5, ben, c'est dans votre vie un combat énorme de faire quelque chose qui pour vous est inaccessible. Bon, disons que la personne part faire un voyage d'études, puis c'est son premier de ses vies, ben, elle va traverser des insécurités, traverser des craintes qu'elle avait, qui étaient viscérales pour toutes sortes de raisons. Peur du vol, peur d'être attaqué ou peur de toutes sortes de choses du genre. Puis ces scénarios vont être dissous au cours du voyage. Fait que ça, c'est un exemple d'interprétation. Et tant que vous allez respecter cette procédure-là et que vous allez rester simple dans votre interprétation, vous allez être capable de bien cerner la nature de l'événement. Si éventuellement vous avez de la pratique, vous allez pouvoir développer une précision dans l'événement et dans certains cas, même arriver à donner des dates exactes de l'événement et donner même la nature exacte de la création de la situation ou de l'événement. Dans le sens que vous allez pouvoir dire, bon, ben, ça va se passer dans tes relations humaines, tes proches, ton intimité, ton couple, ta famille ou quoi que ce soit du genre. Ou dire, exemple, vous allez partir avec votre enfant en voyage puis ça va donner un point de ralliement extraordinaire. T'sais, ça, c'est des éléments d'interprétation qui se précisent après avoir beaucoup de pratique. Mais il faut bien comprendre qu'il faut partir des planètes éventuellement de l'aspect qu'il y a avec l'autre planète en transit et de donner la sauce du signe. J'applique sur la sauce pour vous faire bien comprendre que c'est un effet d'enveloppe et éventuellement la maison dans laquelle ça se passe. L'autre point qui est important dans l'évolution des transits, c'est le facteur de rétrogradation. Les planètes, à l'occasion, font un mouvement d'avance. Style exemple, Mercure est à 1 degré, la semaine suivante, il est à 2 degrés, la semaine suivante, il est à 3 degrés, puis là, whoop, à un moment donné, whoop, il revient à 2 degrés. Le fait qu'il revienne à 2 degrés ou qu'il se place dans une position de recul, en apparence, c'est ça qu'on appelle la fameuse rétrogradation. C'est pas rare de voir des gens vivre des grands moments au moment où la planète avance et d'être comme éventuellement dans les événements comme en état de suspension quand la planète passe en mode rétrograde. Ça veut dire quoi ça, la rétrogradation? C'est comme si c'est un événement qui vous pend au bout du nez. Fait que vous avez une réminiscence, vous voyez la planète s'approcher de votre point de réminiscence, puis là, oups, elle vous annonce qu'il va se passer quelque chose, puis là, elle passe en rétrograde. Bien, comme elle passe en rétrograde, elle vous atteint pas de plein fouet dans son premier mouvement, mais il y a des événements qui vous avertissent d'un changement. Donc là, le mouvement de rétrogradation va vous donner l'impression d'un effet de suspension. Vous allez savoir que, bon, quand elle va repasser en mode avance, plutôt qu'en mode recul, qui est la rétrogradation, bien, quand elle retourne en mode avance, bien là, ce qui vous était annoncé va se produire. Bon, il y a l'autre situation, style... La planète avance, elle fait le mouvement ou elle vous plonge réellement dans un événement qui est, on va dire, croustillant, là, qui est corsé. Et puis, après ça, elle repasse en rétrogradation. Vous allez dire, vas-tu être frappé deux fois? La réponse, c'est oui. Vous allez être frappé deux fois. C'est Jupiter, ben, c'est comme gagner le gros lot deux fois. C'est pas rare de voir des gens qui ont gagné à tel mois, puis deux mois plus tard, ils ont regagné encore. Bon, ils ont vécu à ce moment-là, ces gens-là, un mouvement de rétrogradation. Vous vous mariez une fois, puis votre mari a tellement aimé se marier qu'il veut refaire un deuxième voyage de noces. Ça, c'est un mouvement de rétrogradation. Fait quand vous avez une planète qui frappe le mouvement, l'événement, crée l'événement, et puis que ça repasse en rétrogradation, mais ça recrée un replay, comme on dit. Ça recrée l'événement. Souvent, le deuxième mouvement, l'effet de surprise n'est pas là. Et c'est moins fort, mais ça passe pareil. Bon, pour les événements qui sont qualifiés de négatifs, si on n'a pas compris la première fois sur la première vague d'événements, ben on a la chance, si on peut dire ça de même, de revoir l'événement, repasser une deuxième fois, Et là, vraiment de faire la prise de conscience. Puis ça, c'est comme souvent, on dit aux gens, il avait pas compris, il a recommencé, puis là, je pense qu'il va comprendre parce que l'événement s'est repositionné dans sa vie. Fait que c'est sûr que pour les événements positifs, c'est toujours le fun de gagner deux fois. Pour les événements négatifs, ben c'est pas le fun de perdre deux fois. Mais dans les cas où on gagne ou on perd, c'est toujours la prise de conscience qui est importante. Comme moi, personnellement, je mets pas tellement l'accent sur ce qui est négatif ou positif dans un thème. Je mets plus l'accent sur la prise de conscience. Ben, c'est évident que ce facteur de prise de conscience qui se place autant dans le facteur positif que négatif, en situation de rétrogradation, vous avez souvent deux chances, des fois même trois chances de voir l'événement se placer. C'est sûr que la situation émotionnelle pour un individu qui, ce qu'on appelle le panic button, là, le bouton de panique, ben, c'est sûr que l'effet de rétrogradation, ça donne l'impression que la vie s'acharne sur sa personne. C'est pas vraiment un acharnement, c'est simplement un courant planétaire. Et quand on le comprend bien, ben, on n'a pas l'impression de subir quoi que ce soit. L'autre aspect qui est important aussi à prendre en considération, c'est le fait que dans les planètes déjà natales, on a des gros aspects. Souvent, la question, c'est à savoir, est-ce que une réminiscence, c'est exactement le même aspect? Pas toujours. Bon, disons que vous avez un carré Soleil-Pluton et vous avez un passage de Pluton qui est en opposition, donc qui n'est pas en carré. Ça a autant d'effet qu'une réminiscence avec un carré. Faut comprendre que c'est le fait du déclenchement qui est important et non pas la nature de l'aspect. Fait que vous avez un carré Soleil-Pluton dans votre carte du ciel natal et vous avez éventuellement un trigone plutonien ou une opposition plutonienne à votre Soleil et ça a un effet de réminiscence. Donc, faut faire attention pour ne pas être trop dans l'affaire de penser qu'il faut exactement le même genre d'aspect. Même si vous avez des conjonctions, exemple Uranus-Mercure ou quelque chose du genre, les quadratures, les trigones, les oppositions vont avoir un effet déclencheur sur le cap. Comment on interprète ça au niveau de l'intensité? Ben écoutez, c'est difficile à expliquer parce que chaque cas est particulier. Puis je pense que quand on fait de l'astrologie, il faut avoir une mentalité d'observateur et de remarquer les effets. C'est pas de la recette de cuisine qui, au niveau de la forme, est pareille. Tu sais, je pourrais vous donner une série d'exemples. Et les séries d'exemples ne colleront pas nécessairement d'une façon formelle à ce que je vous parle. Mais vous allez avoir une ambiance, par contre, qui est similaire. Ça m'emmène à parler le fait qu'en astrologie, c'est plus important de lire l'astrologie d'un point de vue vibratoire que d'un point de vue formel. Là, vous allez me dire, oui, mais ma clientèle, elle, ce qu'elle veut, c'est des faits. La clientèle, là, qu'elle s'ajuste à vous. C'est pas à vous à vous ajuster à la clientèle. Si vous, vous êtes capable de lire bien les ambiances et qu'eux sont pas confortables parce que vous ne leur annoncez pas la couleur des yeux et la couleur des cheveux de leur prochain prétendant, c'est leur problème. Ne tombez pas dans le panneau de vouloir être dans la vérité. Traitez avec ce que vous savez être capable de lire comme étant exact et le plus exact que vous, vous êtes capable d'interpréter. Sinon, vous allez toujours le jouet de jeux d'interprétation. Déjà que les gens interprètent pas ce que vous affirmez de la même façon que vous le pensez, fait qu'imaginez-vous que ça devient extrêmement complexe à court ou à long terme d'être dans l'exposition finalement de votre vérité. Donc, présentez l'information comme des ambiances ou des climats dans lesquels les choses se passent, puis soyez exact là-dedans, tombez pas dans de l'évasif, ne donnez pas l'impression que ça pourrait arriver à tout le monde. T'sais, c'est comme une réminiscence, c'est particulier. Ça a un registre d'interprétation qui va dans un secteur de temps particulier. Quand c'est au mois de novembre, c'est pas au mois de septembre, c'est pas au mois d'avril, c'est au mois de novembre. Le transit se passe au mois de novembre. Fait que quand vous dites novembre, même si la personne elle vous dit quand en novembre, ben c'est novembre. Ça va être dans le mois de novembre. T'sais. Il y a des gens qui veulent savoir l'heure dans la journée. C'est pas votre problème. Vous dites check le mois de novembre. Éventuellement, peut-être que vous serez capable de dire c'est le 15. Le 15 novembre, il va se passer telle chose. Vous allez être médium à ce moment-là. Vous allez sentir les choses. Puis vous allez pouvoir faire apparaître une date dans le temps. Mais c'est pas nécessaire d'être, comme on dit, d'être dans la crise existentielle de la personne qui va absolument avoir une date. Ensuite, je vous mets en garde. Quand vous jouez avec les transits, vous jouez avec l'avenir. Vous jouez avec une information qui peut éventuellement être extrêmement impressionnante pour la personne qui se fait dire une vérité. C'est pas, moi, j'ai pas eu de problème les premières années, mais quand ça faisait 3-4 ans que les gens venaient me voir en consultation, là, c'était comme, s'il me dit ça, c'est ça qui va arriver. Ça, c'est dangereux parce que là, la personne, elle vit son futur au temps présent et elle vit beaucoup, beaucoup d'anticipation. Là, ça, c'est le côté désagréable de l'astrologie. Parce que là, vous avez une personne qui développe une sorte de dépendance à l'information, puis surtout une dépendance à la précision de l'information. Et si vous êtes justement précis, c'est sûr que vous allez avoir une grosse clientèle, mais c'est sûr que vous allez avoir aussi des gens qui vont être addicts, qui vont être dans une sorte d'alcoolisme de l'astrologie et qui vont développer une sorte de maladie du futur. Ils vivront pas leur présent d'une façon intelligente. C'est une situation qui est aiguë et c'est une situation qui demande à être pris avec beaucoup d'attention parce que ces gens-là, quand ils vous font confiance, ils vous font plus confiance qu'à eux-mêmes. Et c'est pas toujours drôle. En dehors de ça, c'est un beau travail. Même si vous le faites comme une profession, c'est une belle profession. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'agréments à prendre contact avec des gens qui vont poser des questions éventuellement, qui vont les emmener à des prises de conscience personnelles extraordinaires, des développements psychologiques et émotifs extraordinaires. C'est sûr qu'on est confronté bien souvent avec le monde à la peur. On est confronté avec leurs croyances. Il faut être extrêmement prudent à ce niveau-là parce que une personne qui croit est nécessairement vulnérable et va vous accuser si elle fait quelque chose qui est vu comme une erreur. Parce qu'elle va vous dire, c'est toi qui m'avais dit ça, puis je l'ai fait parce que tu me l'as dit. Soyez prudent sur le phénomène de la responsabilité. Assurez-vous que à qui vous parlez, ce soit des gens qui sont capables de contenir leurs décisions et qui ne les fassent pas à vous strictement pour se sécuriser émotionnellement. Parce que souvent, s'ils agissent comme leur destin leur dicte d'agir et que c'est négatif, ils vont vous prendre à témoin et comme souvent comme complice dans l'expérience. Soyez donc prudent ou prudente dans cette dimension-là. Thank you.